cochon, patron. Quelle pêche, bonsoir. Alors, j'étais venu vous demander, patron, vous n'êtes pas sans ignorer qu'en ce moment, à Paris, il y a le salon de l'enfance. C'est exact, oui, comme tous les ans. Mmh. Et comme vous fabriquez des jouets et que je travaille chez vous, j'aimerais bien, si ça avait été possible, que cette année, j'aille au salon de l'enfance, et alors j'aurais vu, si ça avait été possible, y aller aux frais de l'usine. Non. Je me disais aussi, mais enfin, j'ai tenté le coup, quoi. Vous avez bien fait, mais ça n'est pas possible. Parce que ça fait 15 ans que je travaille chez vous. Mais oui, mais oui. Puis j'ai appris que vous payez les frais du directeur, du sous-directeur. Alors, j'ai dit, pourquoi moi, qui suis sous contremaître, pourquoi vous ne pourriez pas me payer mes frais? Ben justement, parce que vous êtes sous contremaître. Ouais. Et que les autres sont directeurs et sous-directeurs. Ouais. Et c'est normal que je leur paye des frais. Ouais. Oui. Eh ben, c'est mal fait. Eh ben, peut-être, mais c'est comme ça. Parce que moi, je gagne beaucoup moins que le directeur, le sous-directeur, que les ingénieurs. Vous leur payez leurs frais à eux. Mais dites donc, patron. Oui. Et si j'y allais pas au salon de l'enfance? Alors là, mon cher ami, si vous n'y allez pas, je m'en... Alors, totalement. Vous en... Oula! Vous en moquez le... Vous en moquez le baigneur, mais alors... Oula! Mais en fait, tout de même, c'est moi qui ai trouvé cette idée, vous qui fabriquez les yo-yos. Oui. Pour être yé-yé, jouer du yo-yo. Oui, c'est exact. C'est quand même moi qui l'ai fait imprimer. Oui, bien sûr. Alors? Eh ben, j'assisterai pas davantage. Mais et pourquoi vous tenez tellement à aller à Paris comme moi, ça? Moi, j'aime bien aller à Paris. Et puis pour le travail aussi, bien entendu. Ben, j'espère bien. On va voir les jouets fabriqués par les Allemands, oui, par les Japonais, tout ça. Oui. Alors, on donne une idée des nouveautés. Ben, c'est exact. Bon, eh ben voilà. Eh ben voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà. Je peux aller à Paris, au salon de l'enfance, mais alors à mes frais. Voilà, entièrement. Je vous donne vos 3 jours. Que je paye. Voilà. Non, au revoir, patron. Je vous en prie. Mes hommages à madame la patronne. Eh bien, des choses chez vous. Mais dites-moi, vous allez à Paris quand même? Ah, ben, bien entendu que j'y vais. Ah, vous y allez? J'y vais, parce que moi, j'aime bien aller à Paris. Ah, oui, d'accord, je vais. Mais alors, j'y vais à mes frères. Entièrement. Salut. Je vous en prie. Au revoir, des fêtes. Mais comment, Thierry? Ah, m'énerve pas, c'est pas le moment. M'énerve pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, il se passe que je passe pour une andouille à l'usine. Ben, explique-toi. Ben, y a le patron qui m'a convoqué cet après-midi. Il m'a dit, c'est encore vous, Delpech, qui êtes convoqué pour représenter l'usine à Paris au salon de l'enfance. Encore? Encore. Mais enfin, toutes les années, c'est toi qui y vas. C'est quelqu'un. J'ai dit, mais enfin, je suis pas tout seul, j'ai une femme. Ou alors, c'est pas avec ce que je gagne que je peux amener ma femme. Discutez pas, les hop, c'est encore vous qui êtes désigné. Puis ça fait que pendant 3 jours, je vais être obligé de m'absenter de la maison et d'aller passer 3 jours à Paris sans toi. Dis donc. Oui. T'as pas eu de prime le mois dernier? Mais je remarque une chose. Oui. Toutes les années, le mois avant le salon, tu n'as pas de prime. Ben, j'ai pas de prime. C'est toi qui as fait la soupe au potage avec... Comment se fait-il? Allez, à la tienne. J'ai des questions à poser quand on s'y attend pas, ça. Pourquoi j'ai pas de prime? Parce qu'on va... On vend pas de yo-yo. Au mois d'août, au mois de septembre, on vend pas de yo-yo. Et tous les salons se passent au mois d'octobre, au mois de novembre. Alors on va pas aller en fortement quand on va... Allez, sers la soupe et puis... Mais... Quand pars-tu? Vendredi. J'ai mon billet qui est là, dans ma poche. J'ai loué ma place depuis 3 semaines. Je te sers du déjeuner pour le train. Ah oui, mais alors on me fait pas un gros casse-route, hein, comme d'habitude. Oh là là, il y a de quoi nourrir tout le compartiment. C'est pas moi qui revague au restaurant, hein. Dis, c'est trop cher. Oh, ben tiens. Ben, au prix où ça coûte. Tu sais, remarque, on mange bien. Au wagon restaurant, on mange très bien. Il y a une très bonne cave. Seulement, à quel prix? T'as la bouteille, tu vois, la demi-bouteille de vin. Tu vois, la moitié comme celle-ci. Le Guesswiller, 5,20 francs. Le Listrac, 6,30 francs. Le Montbazillac, 7,10 francs. Alors, ça augmente le prix du menu. Et puis, t'es dans une certaine euphorie. Tu prends un café, un pouce café, un cigare, et puis t'es là, et puis t'as les roues qui chantent sur les rails, cette mélodie. Ah, c'est pas moi qui irai au wagon-restaurant, hein. Qu'est-ce que tu vas t'ennuyer tout seul à Paris? Tu peux pas savoir, j'en suis malade à l'avance. Tu iras coucher chez la tante Germaine à Épinay. Elle n'est pas encore morte, elle. Enfin, j'irai la voir vite fait, puis après j'irai... Ah, tu vois, ma petite chérie adorée, ma petite femme, il y a des années que nous sommes mariés. Et j'aimerais tellement que tu viennes avec moi. Malheureusement, je ne peux pas, je gagne pas assez. Moi, par exemple, le directeur, le sous-directeur, les ingénieurs, tous ceux qui gagnent bien leur vie, automatiquement, sitôt qu'ils ont une bonne paye, ils achètent une voiture. Et toutes les fois qu'ils se déplacent, qu'ils vont à Paris, hop, leur femme leur dit, je vais aller avec toi. Ils peuvent pas dire non, puisqu'il y a de la place à côté d'eux. Moi, j'ai pas de voiture, moi. C'est là la vengeance du petit. Ça te fait vraiment de la peine de partir sans moi? Ah, je te dis, c'est pas possible. Mon chéri, je vais te faire une surprise. Oui. Toutes les pièces de 100 francs, je les mets dans une bouteille. 100 francs anciens? Oui, anciens. Oui, et alors? Laisse-moi te dire que c'est bien féminin, ça, hein. Et puis ce matin, j'ai cassé la bouteille. Mais ça fait rien, t'en achèteras une autre. Tu sais pas combien j'ai? Non. 18 200 francs. Mazette, ça fait une belle somme, hein. Tu vas être content, hein. Pourquoi? Bah t'en fais pas, va. J'irai avec toi à Paris. Pam, pam, pam, pam.